sash. They got a stranglehold. Progress et Bad Blood, nouvelle entrée en 15e position anglophone, c'est de leur album Diamond Hoo-Ha. J'ai bien aimé cette nouvelle entrée-là, je sais que je dis ça à chaque nouvelle entrée, mais, mais je me dois de le faire, surtout quand j'aime ça. Quand j'aime pas ça, j'en parle pas. Mais non, faut être honnête, faut dire ce qu'on pense. Tu sais, on est assez fou, on n'est pas dans une radio qui va s'empêcher de dire quand on aime pas les choses, quand non, on aime les choses. J'ai pas l'habitude de m'empêcher de dire les choses que je pense. Ben non. Voilà. Mais bref, je vais me procurer cet album. Oh! On aime ça, se procurer les albums. On aime ça. Juste avant, on a entendu Bonjour Brumaire avec La fin à petit feu. Une nouvelle entrée, 15e d'ailleurs. Ça aussi, j'ai bien aimé. Ton poste d'or, je suis heureuse que ce soit ton poste d'or. Oui, le poste d'or, ça veut dire que c'est l'album qu'on a aimé le plus à l'émission Le Poste d'écoute. Ça, c'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. On écoute tous les CD qu'on reçoit, c'est fou, un par un, pour la première fois. C'est aussi simple que ça, c'est l'enfant. J'adore ça comme concept. C'est vendredi matin à 10h et les samedis et mardis à 13h en rediffusion. On va tout de suite enchaîner avec nos 14e position du côté anglophone. On va entendre Duchess 16 avec Call Up de leur album Anthologie des Trois Perchoirs. C'est un groupe de Montréal. Et du côté francophone, En attendant de Shotgun, j'ai bien hâte d'entendre. Tout de suite dans les palmarès, c'est fou! Dans vos oreilles! 89.1! Long Road, nouvelle entrée en 13e position anglophone. Ça vient de son album Devil at My Heels. C'est la 4e pièce de cet album-là à franchir le pas et entrer dans les palmarès. Voilà, là, est-ce que tu es capable de les renommer, tes 4 pièces? Bien sûr que je suis capable de les renommer, voyons donc. C'est bien, avec le CD dans les mains, ben, c'est toujours mieux. C'est plus facile. Il y a eu Nazamade, il y a eu Devil at My Heels, il y a eu Even, et puis, c'est à peu près celle-là. Ça. Celle-là. Long Road. Long Road. Mais là, je suis un peu mêlé, là, tu me dis 13, mais on n'était pas rendu à 14? Oui, justement, tout à fait. Avant la 13e anglophone, on a sauté par-dessus la 13e francophone. Mais semblait aussi. C'était en attendant le shotgun. Non. C'était oui. Saveur marmelade avec bonbon clair. Ça, c'est la 13e. Oui, mais on l'a pas écouté. Oui, mais il fallait la dire quand même. Ah, OK. Ah, c'est ça l'affaire. Avant ça, on a vraiment tendu nos 14e positions des deux côtés. Du côté anglophone, c'était Duchess 16 avec la pièce Cut Up. C'est un groupe montréalais et leur album s'appelle Anthologie des trois perchoirs. Là, tu peux dire la 14e francophone. Là, je peux dire la 14e francophone qui était En attendant de Shotgun. Ah! Bon! T'es un peu mêlé, mais je vais m'en sortir. Ben oui. Faut le dire aux gens à la maison qui sont probablement aussi mêlés que nous, donc. Oui, parce que j'ai le don de les mêler, moi. Tu représentes le public. Je représente. Oui, represent. Represent. Hey, j'aurai un papalmier tantôt qui sera... Ah. Qui sera... Habile? Non, pas habile. C'est ça, je vais chercher mon mot et je vais pouvoir en parler plus tard. Ben, fais ça. Avant de passer aux positions numéro 12, on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ouh là là, gling. Tant qu'à être rendu là. Top 10 électronique, top 10 loud, top 3 des disques canadiens, top 30 des albums. C'est aussi ça, les palmarès, c'est fou et on aime bien en parler une fois de temps en temps. Donc, on commence par le top 10 électronique. Nouvelle entrée en 9e pour Colony 5 avec Buried Again. En 6e, on retrouve Ursula 1000 avec Undressed Remix. En 5e, c'est Meat Beat Manifesto avec Autoimmune. Et finalement, en 4e, il y a Quintal avec Translucida. Il y a aussi la 2e, mais je vais te laisser faire le top 3. Oui, le top 3. En 3e position, on a Cassette Won't Listen avec Small Time Machine. En 2e, Lunascape, qui est aussi une nouvelle entrée, comme tu me disais précédemment, avec Inner Side. Et en première position, Tear Gas and Plate Glass avec Black Triage. On sait que mon anglais est très bon. Top 10 loud, aucune nouvelle entrée. Top 3 donc, Kingdom of Sorrow avec leur album éponyme est en 3e, ça monte d'une place. En 2e, l'ancien numéro 1 descend, Caballera Conspiracy avec Inflicted. Et le grand numéro 1 monte de deux places, c'est Meshuggah avec Obzen. Ouh là là. Top 3 des disques canadiens, seulement deux nouvelles entrées. Oui, seulement deux nouvelles entrées. C'est la 3e position avec Isle of Thieves avec Only Human. Et en 2e, Creature avec No Sleep at All, qu'on va pouvoir entendre d'ailleurs dans nos... dans nos vrais palmarès. Et si je regarde un petit peu ma feuille, là, ça a monté pas mal, ça. Oh là là, j'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte de savoir ce que c'est rendu. Le grand numéro 1 du top 3 des disques canadiens, c'est Madcaps qui monte d'une place. Deuxième semaine de présence pour leur album Kiss the Lion. Top 30 des albums. Nouvelle entrée en 30e, Grand Theft Bus avec Made Up Words. Et c'est la seule et unique. Donc le top 3 ressemble à ceci. Madcaps avec Kiss the Lion en 3e position. En 2e position, notre ancienne première position en fait de la semaine passée. Louis XIV avec Slick Dog and Ponies. Et en première, The Highs avec The Black and White Album qu'on apprécie particulièrement ici à Tout à fait. On aime beaucoup ça et ça a monté justement. Il n'y a pas juste nous qui aiment ça. Tous les animateurs de C'est fou adorent. Ça a monté de la 10e à la première. Ça fait 14 semaines que c'est dans le palmarès. Donc ça se promenait vers le bas. Ouais. Et là, fou! Comme une fusée. Straight to the top. Never stop. Hey, on a fait tous les palmarès. D'un coup sec. D'un coup sec. On fait jamais ça d'habitude. Ben, faut bien des fois. 12e position anglophone, on va l'entendre. The Mars Volta avec Aberyn Kula qui descend de 10 positions. Quel malheur pour eux. Mais juste avant, Princesse avec le nom. Au palmarès, c'est fou au 89.1. FM. Dans vos oreilles. The Mars Volta, Carquois et Horror Pops dans les palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Do you need to repent? Plans that forgot me 99 times. I'll stick around for 99 times. Before Mars Volta avec Aberrinkula en 12e position anglophone, ça descend de 10 places. Ouais, ben moi, ça me fait pas nécessairement de peine. Moi, j'avoue que je tripais pas non plus sur la pièce, mais disons qu'elle serait meilleure en 3 minutes. Ouais, exactement. Hein? Présentement, elle dure combien de temps? Environ 6 minutes. 6 minutes, c'est énorme. C'est très long et c'est très, très intense. Oui. Mais bon. Mais bon, hein, c'est pas grave. Non. On essaye d'aimer ça. Oui. Côté francophone, changement de sujet subtil, on avait Princesse avec le nom. Bon. Ça, c'est bon. Tu vois, le nom, c'est une très bonne formation québécoise. On aime beaucoup, beaucoup. On adore. Hey, on est rendu au 11e position, mais avant, j'allais le dire. Tu m'interromps. Avant de passer au 11e, c'est le moment de faire un papalmier parce qu'à chaque semaine, Virginie reçoit des courriels de son papa. Oui, mon papa que j'aime. Et puis, elle nous les lit en onde. Oui, c'est ce que je vais faire encore cette semaine. Le mot que je cherchais tantôt pour les auditeurs qui suivent, hein, pas comme Mathieu, mon co-animateur, qui suit pas. Pas fin, ça. C'était pas habile, mais bien utile. Donc, c'est un c'est email. C'est fascinant, ça, mais, Virginie. Fascinant. Mais fallait que je me rectifie. Hein? C'est fait, merci. Le email que je vais vous lire aujourd'hui, c'est une bonne façon pour se débarrasser des trucs de sollicitation. Donc, quand je dis que ça va être utile, mais c'est que vous pouvez reproduire à la maison puis c'est pas dangereux. On parle dans la vie, disons, dans un centre d'achat ou quelque chose de genre, non? À la maison, surtout. OK. Sollicitation à la porte? Les gens qui font du porte-à-porte? Ben, vous allez voir. OK, oui, bon, on va voir. Donc, je commence avec une première, une alarme anti-vol. Mettez vos clés de voiture près de votre lit la nuit. C'est pas une plaisanterie, si vous entendez un bruit en dehors de votre maison ou quelqu'un qui veut entrer dans la maison, appuyez sur le bouton panique de votre voiture. L'alarme sonnera et le klaxon criera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou que la batterie de la voiture meure. Ah. Le système d'alarme de sécurité que vous avez probablement déjà, puis ça n'exige aucune installation. Si votre alarme de voiture crie longtemps quand quelqu'un essaiera d'entrer chez vous, la chance que le cambrioleur ou le violeur reste autour de chez vous est petite. Après quelques secondes, tous les voisins regarderont par la fenêtre pour voir ce qui se passe et certainement que le criminel n'aimera pas ça. Quelque chose qui devrait vraiment être partagé avec chacun. Et c'est ce qu'on fait via les ondes de la radio. Trois bonnes idées aussi pour les appels téléphoniques et les courriers. Les trois petits mots qui sont comme suit. En fait, c'est trois petits mots qui fonctionnent. Bref, c'est pas trop clair ce que je dis, hein? Non. Bon, OK. Vous répondez puis vous dites « un instant, s'il vous plaît », quand c'est un sondage téléphonique, par exemple. Ah, OK, oui, oui, oui. En disant ceci, ou tout en déposant votre appareil téléphonique et en vous éloignant, plutôt que de raccrocher sur le champ, ça fera en sorte que chaque appel de télémarketing consommera beaucoup de temps improductif. Puis quand vous entendrez éventuellement le bip-bip-bip de la compagnie de téléphone, vous saurez qu'il est temps de retourner et raccrocher l'appareil qui aura de ce fait complété sa tâche efficacement. Ces trois petits mots aideront à diminuer les sollicitations par téléphone. Le deuxième que j'ai, c'est est-ce que vous recevez des appels ennuyants pour vous apercevoir qu'il n'y a finalement personne à l'autre bout de la ligne? Okay. Tu réponds, puis ça ne dit rien. Mais ça aussi, c'est encore du télémarketing. OK. Ça, c'est dans le fond, c'est une machine qui fait des appels puis ça enregistre la période de la journée lorsque la personne répond au téléphone. Ah, c'est juste pour savoir quand les gens sont à la maison, c'est pour ça. Pouvoir rappeler plus tard? Évidemment. Et voilà. OK. Donc, cette technique est utilisée pour déterminer le meilleur temps de la journée pour un vrai vendeur de rappeler puis ainsi de rejoindre quelqu'un à la maison. Ce que vous pouvez faire après avoir répondu et que vous vous rendez compte qu'il n'y a personne à l'autre bout de la ligne, c'est de taper immédiatement la touche dièse sur le téléphone à 6 ou 7 reprises aussi rapidement que possible. Ah, OK. Cette action fera en sorte que la machine qui aura signalé l'appel sera confuse et effacera votre numéro de téléphone dans leur système. Ça a l'air louche, ça. Ouais, j'étais un peu sceptique sur celui-là, je dois l'avouer, là, mais bon, ça faisait partie du papalmier, fait que je vous en mets au courant. Bon. Puis le troisième, en fait, c'est le dernier. Quand vous recevez des publicités incluses avec votre facture de téléphone, de câble, d'électricité ou autre, retournez ces publicités avec votre paiement. Laissez aux compagnies expéditrices le soin de jeter elles-mêmes leur propre publicité. Bonne idée. Quand vous recevez des lettres d'offres pré-approuvées en passant par les cartes de crédit à une hypothèque ou autre offre similaire, ne jetez pas l'enveloppe de retour. La plupart incluent une enveloppe réponse, n'est-ce pas? C'est à quoi tu me réponds oui, Virginie. Ben oui, bien sûr, Virginie. Ça leur coûte plus que le coût d'un time post régulier si et quand elles la reçoivent en retour. Ah. Ça leur coûte rien si vous jetez l'enveloppe, là. OK. Donc, tu leur envoies l'enveloppe avec rien dedans? Le coût d'un time est présentement de 52 sous et est calculé selon le poids de l'enveloppe. Dans ce cas, pourquoi pas ne pas vous débarrasser de certaines autres publicités non sollicitées et les inclure dans ces enveloppes retour port payé. Ah, c'est bon, ça! Envoyez une de vos publicités de votre amoneur de cheminée à American Express, par exemple, un coupon de pizza à Citibank, ou... Si vous n'avez rien reçu en retour... Si vous n'avez rien reçu d'autre en ce jour, pardon, alors retournez-leur la formule d'application en blanc. Si vous désirez rester anonyme, assurez-vous que votre nom ne figure pas sur ce que vous leur retournez. Vous pourriez même leur retourner l'enveloppe vide si vous voulez les laisser perplexes. Bon. Éventuellement, les banques, compagnies de crédit et autres vont commencer à recevoir leur propre pub dans leur courrier. Laissons-leur savoir ce à quoi ressemble de recevoir beaucoup de courriers non sollicités et encore mieux qu'ils en paient les frais postaux en double. Aidons par le fait même à garder notre service postal occupé puisqu'ils nous disent que les courriels coupent dans leurs revenus et profits. De ce fait, ils disent nécessairement d'augmenter les tarifs postaux encore. De plus, nous coopérons à la sauvegarde de nos arbres, de nos forêts, ils nous aident à respirer. Si beaucoup de personnes mettent en pratique ces trucs, ça fonctionnera. Et voilà. Bon, mais c'était un des papalmiers de la semaine. Je vais tenter d'en trouver un autre entre-temps. Un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Un papalmier, un courriel reçu par le papa. Papa. De Virginie. Oui. On s'en va entendre nos positions numéro 11 du côté anglophone. C'est Horror Pops avec Misfit qui monte de 4 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Oui. Du côté francophone, un groupe que j'affectionne particulièrement, en fait que j'adore et que je suis vraiment échappé au sort de Carquois. Tout de suite, on parlera assez fou au 89.1. FM. Ces gants blancs sur C'est déjà la fin de la première heure des Palmarès C'est fou, donc on va faire un petit résumé des positions 15 à 11 qu'on entend dans cette première heure. Du côté anglophone, trois nouvelles entrées, Supergrass avec Bad Blood en 15e, Duchess 16 avec Cut Up en 14e et Steeville avec Long Roll en 13e. La 12e, c'est une descente de 10 positions pour The Mars Volta avec Aberrinkula et on vient d'entendre la 11e qui monte de 4, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière, Horror Pops avec Misfit. J'adore cette chanson-là. Très bon, hein? Surtout le petit bout comme dans la. En tout cas, c'est une parodie de Horror House. Oui, surtout ce bout-là. J'aime bien. Très bien interprété par mon animateur Mathieu Plante préféré. C'était fidèle, hein? C'était fidèle! Wow, j'ai adoré. Du côté francophone, en 15e position, on avait La fin à petit feu de Bonjour Brumaire, qui était une nouvelle entrée. 14e entrée, aussi une nouvelle entrée, En attendant de Shotgun. En 13e, on l'a pas entendu, mais c'était Bombe au chlore de Saveur Marmelade. En 12e, Princesse de Le Nom. Et en 11e position, pardon, qu'on vient d'entendre, c'était Échappé au sort de Carquois, un groupe que je m'amuse à répéter et que j'adore répéter, que c'est un de mes groupes favoris francophones. Tu t'amuses beaucoup à répéter. J'écoute, j'ai du plaisir. C'est bon. Mais je suis une fan de Carquois, je dois l'avouer. Ouais, bon. Dans la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, on va entendre des artistes tout aussi variés les uns que les autres. Éléphantine, Pas Chic Chic, Dali Placard, Gérald Gentil. Hey, tu as fait mon côté francophone. Je sais. J'étais tout mêlé. Isle of Thieves, Plains and Animals, Black Mountain, The Blue Seeds, Gold Frap. Hey, ça va-tu être une belle deuxième heure, ça? C'est-tu pas merveilleux? Ça va être génial. Ça, plus le palmarès de la musique la plus écoutée dans les radios universitaires du Canada. On va aussi avoir le CD, le top des ventes au Canada. Hein? On va avoir le plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Et on va savoir ce qui se passe cette semaine. La vidéo, là, dans la question. Ouh là tout ça d'ici là. La fin. Les palmarès, c'est fou au 89 FM. Restez avec nous. Bonjour, c'est la deuxième heure des Palmarès C'est fou pour la semaine du 11 au 17 avril 2008. Elle n'est pas très attentive, mais elle s'appelle Virginie Cossette. Et il est trop attentif, c'est Mathieu Plante. C'est un de mes gros défauts, hein. Je suis beaucoup trop sur les nerfs tout le temps. Ouais, vraiment beaucoup trop. Faut que je me calme, il me faut de la camomille. Oui. Donc, un deuxième heure rempli de bonne musique, comme toujours, dans ce condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, ce qu'on appelle les Palmarès C'est fou ou les Palmes. Oui. Et vous êtes les palmiers, il faut faire le lien un peu. Oui. Les palmiers, c'est ça, faut mettre des... Faut faire le lien, tu m'as dit. Ben voilà, c'est fait. OK, donc on est rendu aux 10e position du côté anglophone, c'est la formation Gold Frap avec Caravan Girl. Et du côté francophone, mon prénom c'est Gérald, pas Gérard, de Gérald Gentil. Tout de suite au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Voilà, Gérard Gentil. Non, moi, c'est Gérald. Approchez, mon cher Gérald. Merci, c'est gentil. Non, c'est parce que moi, c'est Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, pas Gérard, hein. Vous connaissez Picsou? Riri, Fifi et Loulou. Mais qui c'est qui est le dernier des canards? Si je vous dis Donard, oh non. Ça fait bizarre. Donard, oh non. Oh, ça fait très bizarre. Bah, je sais, mais moi c'est pareil. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein. Vous aimez le jazz? Alors vous devez connaître des chanteuses de jazz. Mais qui c'est qui est cette chanteuse de jazz noire? Si je vous dis Fitzgerald, ça fait très bizarre. Oui, ça fait bizarre. Mais moi c'est pareil, hein. Dans quel sens? G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Même des petits enfants y arrivent, hein. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein, Gérald. G-E-G-R-A-R-A-L-D. Gérald, non pas Gérard, hein. À la fin de Gérard, c'est rare.

Goldfrapp avec la pièce Caravan Girl. C'est le numéro 10 anglophone. Ça descend de 3 places. Oui, et juste avant, on avait Mon prénom, c'est Gérald, pas Gérard, de Gérald Gentil. Et je dois avouer que c'est deux chansons qui me mettent le sourire aux lèvres à chaque fois que je les entends. Et je suis donc contente qu'ils soient aux mêmes positions parce que j'ai comme 5 minutes, 6 minutes à sourire. Est-ce que tu es en train de dire que c'était nos positions de la semaine? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est mes positions de la semaine. Ben oui. Avant de continuer avec nos positions numéro 9, on va aller voir ce qui se passe du côté de Earshot. Ça, c'est le palmarès des albums les plus joués dans les radios universitaires, les radios campus du Canada au complet. Oui. Donc c'est fou. Et tu sais que c'est une des chroniques que j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça important de promouvoir la musique alternative. Et underground et pas commercial. Et voilà. Voilà. Donc, on va faire rapidement le top 10 à 6. Man Man, Cadence Weapon, Four City Lovers, Nick Cave and the Bad Seeds et Born Ruffians. En cinquième, on retrouve Black Mountain qui, si je ne me trompe pas, est aussi dans nos palmarès et on va l'entendre très bientôt en huitième, en fait. En quatrième position, on retrouve Lady Hawk avec Shots. En troisième, c'est Destroyer avec Trouble in Dreams. En deuxième, on les connaît, on les aime, on va les entendre. En septième, tantôt, c'est Plants and Animals avec Park Avenue. Et le numéro 1, c'est l'album éponyme de Crystal Castles. Ça, c'est pour la semaine qui se termine le mardi 8 avril 2008. Spécial comme système de finir une semaine le mardi, mais que voulez-vous? Un peu, hein? Mais cet album-là, on l'a pas ici, ou en fait, ça joue pas dans nos palmarès. Je suis un peu déçue. Je me rappelle pas d'avoir reçu ça, c'est fou, non. Et je passe pas mal tous les CD qu'on reçoit, donc non. J'aimerais bien connaître, ça m'intrigue un peu, étant donné que c'est en première position du Earshot. Tu sais ce que tu devrais faire? Aller sur MySpace, voir si c'est bon. Ben, ouais, hein? C'est ce que je vais bonne faire. Idée, hein? Ah, moi j'aime ça, cette idée-là. OK, donc peut-être que tu pourras nous en faire jouer une pièce, t'en choisiras une à un moment donné. Ah, oh, hein? C'est une bonne idée. Nous, par contre, on va aller entendre nos numéros 9. Du côté anglophone, ça descend de 6 places, c'est The Blue Seeds avec Barcelona. Sinon, du côté francophone, on n'a pas Chic Chic avec Aidé Morcelé. Tout de suite dans les Palmarès, c'est fou au 89.1. FM. Monica, me tomber, je n'y vois que ça. Ce mini-jeu de Jane, et ce bottom pour ses jambes, Tina, me jette de la poudre aux yeux. Oh, ce que je suis fou de toi. Oh, with my desire since you left for Barcelona. Out of blue. The Blue Seeds avec Barcelona en 9e position anglophone, ça descend de 6 places. Juste avant, du côté francophone, on avait Aidé Morcelé de Pas Chic Chic. Ça, ça monte par contre. Oui, donc, petit échange de position. Oui, ça monte juste une place, mais ça monte, ça monte. Ouais, bon, quand même. Barcelona, c'est triste, j'aime beaucoup cette pièce. Ouais, mais c'est trop calme. Triste. Je trouve que c'est bon, ouais. C'est bon, mais. C'est pas très enjoué, j'ai mettons. Pas envie, tu sais, j'ai envie de rester en vie. T'as envie de quoi? De rester en vie. En vie? Ouais. Ben, je sais pas. Je trouve que ça me donne le goût de m'ouvrir les veines. Hey, c'est pas fin, ça. Ben, je sais. Non, mais c'est bon, sauf que c'est déprimant. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Faut être d'humeur à écouter ça, je pense. Ouais. Ouais. Faut être d'humeur pour aller entendre nos positions numéro 8 tantôt, mais avant ça, Virginie, t'es membre, comme moi maintenant, d'un groupe sur Facebook qui parle de choses que t'aimes. Oui, le répertoire des comportements que t'aimes ou à proscrire? Aha! Je pourrais vous les lire tous, là, mais ça pourrait être très long. Donc, je vais vous en faire un résumé. Comme dirait Greg Salvaire, on n'a pas toute la soirée. Et voilà. Toute la soirée. Donc, demander 2 roteux au lieu de 2 hot dogs à Belle-Province. Ah, ouais, qu'est-ce que ouais, avoir une permanence avec un toupet droit. Ah, wesh. Avoir encore la collection de verres de vin de Petro-Canada des Jeux Olympiques. De 1996, genre. Ouais, à peu près. Mettre son paquet de cigarettes sur son épaule à l'intérieur de son chandail. Non, vraiment pas. Ça fait très les lavigueurs de ménage. Très, très, très. Collectionner les bibelots d'ange. Non, pas d'ange, pas d'ange. Non, non, non. Porter un trench coat noir quand tu vas chercher une pinte de lait au dépanneur. Ouais, ok. Je connais des gens, ok, ouais. Ouais, avoir un bol de fruits en plastique sur sa table de cuisine. Mathieu, dis-moi que t'as pas sur pas sa ça. Table non, de j'ai un bol à fruits en plastique, mais j'ai pas un bol avec des fruits en plastique dedans. OK. Ça, dans le fond, c'est ça qui est étonnant, c'est des petits fruits en plastique, ouais, dans des ouais, pommes ouais. en plastique. Okay. Ouais. Mais le bol à plastique, en plastique pour les fruits, c'est correct. Oui, oui, il n'y okay. a pas de problème avec ça. You. Avoir comme décoration de salle de bain un parapluie avec des gouttes en céramique sur le mur. Ah ouais, OK. Ça, ça fait longtemps. mettre une boboule à minou sur le bout de l'antenne de son char. Ouais. Espérer un jour souper en tête-à-tête avec Éric Lapointe. Ah, ouais, c'est ça. Se faire faire des armoires en mélamine noire. Okay, c'est mieux que la mélamine blanche, au moins. Ouais, ben, pas vraiment. Là. Porter un chandail de loup. Ah, oh, un chandail de laine avec, oui. avec des loups, c'est beau. C'est tellement beau, j'en ai plein. Faire venir un set de karaoké pour un barbecue dans une cour de banlieue. Ok, ouais. Uh-huh. Monter le son de la radio quand Marimé passe et dire qu'elle a rock au bout. Se promenant décapotable l'été en écoutant très fort Hit Me Baby One More Time. Mm-hmm. Avoir un porte-clé capteur de rêve. Ah, ouais, ouais, ok. Porter ouais. un jacket de cuir avec des franges. Mm-hmm. Gagner un concours à la radio, mais là, ça, oh, non, que non, c'est non. pas qu'éteint. Hey, je m'excuse, moi, je l'enlèverais de là. Ouais, tout à fait. Ouais. Porter un bandana avec une feuille de pote dessus. Ok. C'est assez, ouais. Célébrer l'anniversaire de son chat. Oh non! Mathieu, tu le fais! Non, je le fais pas, mais je connais des gens qui le font. Puis c'est pas qu'éteint, c'est juste cute, ouais. c'est drôle. Ok, je sais pas. Faut pas que tu prennes trop au sérieux pour le faire. Je sais pas. Porter la ceinture fléchée au Carnaval de Québec. Uh-huh. Pelleter sa neige de son gazon et l'envoyer dans la rue pour qu'elle fonde plus vite. C'est pas fin, ça. Non. Se promener en chambre dans le centre-ville en écoutant très fort Living on a Prayer de Bon Jovi et taper sur son volant en faisant semblant que c'est une batterie. Ça, je dois avouer que je le fais fréquemment. Ouais. Mais pas avec Living on a Prayer. Non, mais juste la batterie, c'est. Ouais, ça. Ben non, moi, je trouve pas ça si qu'étonne que ça. Non, la non, non. non plus, là. Non, c'est vrai. Alors, je sais pas. Deux derniers. Ouais. Porter un petit contenant de plastique de couleur fluo qu'on s'attache dans le cou dans lequel on peut y mettre du change. Du change, non. Ça, c'est si drôle. Non. Puis avoir une collection de trolls. Des trolls. Des trolls ou des pogs. Oui. Tu sais qu'ils ont ramené les bracelets clac. Ils ont ramené à la mode. C'était si fun. Avec chose, la personnage de dessin animé là, espagnol. Anna Montana. Pas Anna Montana. Ah, l'autre, là, t'as Go Diagogo, puis t'as l'autre. Là. La Dora l'exploratrice. Oh my god. Ils ont ramené les bracelets clac. Ah ouais. Ah ouais, c'est fou. Mm-hmm. C'est fou. Hein? C'est fou. Fou. On s'en va entendre nos numéro 8 du côté anglophone, c'est Black Mountain avec Stormy High qui monte de la 14e. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Et du côté francophone, on en a de moins en moins ces temps-ci. Slotch de Danny Blackard. Au palmarès, c'est fou au 89.1 FM. L'émission qui collectionne des trolls en cachette. Et les mauvaises blagues. Et l'admet pas. Hop, j'ai de l'admettre. Oups. Il neige encore. Il fait fret, il vente fort. J'suis gelé de bord en bord. J'commence à trouver que l'hiver est long cette année. J'vois fouler mon pick-up pour m'en aller. Depuis 6 mois, les bancs de neige sont rendus aussi haut que quand j'étais flot. Pour oublier que je pourrais geler, je suis bien emmitouflé dans mes couvertes, les yeux fermés. Je rêve que je me fais griller sur ma galerie, pis que c'est l'été. Ça dure depuis 6 mois. Ils sont rendus aussi haut que quand j'étais flot. C'est le point de sauvegarde des palmarès, c'est fou. Donc, on fait start et on revient après pour la deuxième moitié de l'émission avec, entre autres, la musique de Black Mountain, Plants and Animals et Elephantine. Où ça? Au 89 FM. Dans vos oreilles. Dans vos oreilles. Save as. Enregistré sous. On sauvegarde. Stormy High de la formation canadienne Black Mountain. Leur album s'appelle In the Future. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière et là, ben, ça a monté de 6 places. C'est rendu la 8e. Ouais. Ça a l'air vraiment très, très heureuse pour eux. Ben, pour eux, oui. Oui, c'est ça, c'est le fun pour eux, mais c'est juste pas notre genre de musique ben. Non. À date, là, on sait pas, avec plusieurs écoutes, ça peut arriver. Peut-être, puis peut-être que j'ai pas entendu l'album au complet encore. Peut-être que l'album est meilleur. Hey, ça me fait penser à quelque chose. Tu te rappelles, depuis quelques semaines, j'arrêtais pas de chialer sur la pièce Invisible Man oui. de Joe Jackson. La semaine passée, on a commencé à dire « Oh, fais le compte, c'est pas mauvais. » Et puis là, ben, elle est plus là. Oh, ça, c'est décevant, hein? On s'habituait à peine et puis là, pouf, c'est disparu. Ouais, mais on peut se procurer le CD. Eh ben oui, on peut se procurer ça en magasin. Et voilà. Et du côté francophone, on avait Slush de Danny Placard, une chanson que j'apprécie aussi particulièrement. Je la trouve très drôle, elle me fait rire. Et drôle, avec l'accent du Saguenay, c'est encore plus drôle. Il va fouler son pick-up. Ouais. Enfin bon. Pièce qui est de moins en moins de circonstances, par non, contre. Non, c'est vrai, mais on est heureux que ça soit de moins en moins de circonstances. Tant mieux, et la pièce reste bonne même s'il n'y a plus de Slush, ben. En effet. En tout cas. Aujourd'hui, vendredi, hein? On sait pas, peut-être que la rediffusion du mercredi, ça va être la grosse tempête de neige encore. Peut-être, mais on espère que non. Supposé avoir une tempête demain, donc j'ai hâte d'écouter la rediffusion pour savoir si en fin de compte on avait raison ou pas. Hein? Oui, tu viens de me décevoir, là. Ça me rappelle qu'il faut dire aux gens qu'on est toujours en direct les vendredis soirs de 17h à 20h ici à votre Radio Campus de Trois-Rivières, en Mauricie, partout là, au 89.1 FM et puis partout dans le monde au CF.ca. Hein? Oui. Belle place pour aller écouter la balade de diffusion et puis pour télécharger. Qu'est-ce qu'il y a, là? Il y a un cheveu sur mon micro. Est-ce que c'est le tien? On sait pas. J'espère. Ça pourrait être le tien. Tu sais, ça va être la prochaine personne qui va se mettre sur ton micro qui va dire « Ah, c'est il y a un cheveu, puis ça va être celui de Virginie. » Ben oui, puis là, tu sais, il va se mettre à capoter parce que tout le monde m'aime. Puis il va « Oh my God, un cheveu de Virginie! » Puis là, il va le mettre dans son casier, puis là, il va contempler le cheveu. Oh. Que de beaux moments en perspective pour la prochaine personne à utiliser ce micro-là. Hein? En tout cas. Position numéro 7. Oh non, avant de faire les positions numéro 7, j'ai envie tout de suite de voir ce qui se passe dans les séries les plus vendues au Canada. Ben, allons-y donc. Moi, c'est vraiment une phrase passe-partout. Passe-partout de dire voir ce qui se passe. Ah, puis là, ben, ça n'a pas rapport avec le reste de ma phrase. Non, c'est ça. Mais bon, pas grave. Allons-y. Donc, allons voir ce qui se passe du côté des séries les plus vendues au Canada. Pour, ça, c'est pour la semaine qui se termine le 10 avril 2008. Descendons un peu pour aller voir quelques nouvelles entrées. En 54e, on retrouve AARP. H-A-A-R-P. Tour Live from Wem quelque chose de Muse. Hein? En 52e, c'est Dream Theater avec leur album de grand succès Greatest Hits. En 34e, la compilation Country Hits 2008. En 22e, le nouvel album de Gnarls Barkley, Odd Couple. En 13e, George Strait avec l'album Troubadour. Ensuite, en 10e, il y a beaucoup de nouvelles entrées. Hein. 10e, Van Morrison avec Keep It Simple. En 9e, c'est les Rolling Stones avec Shine a Light. En 7e, In Flames avec Sense of Purpose. En 6e, Moby avec l'album Last Night qu'on a d'ailleurs écouté au poste d'écoute. Oh, et c'est bon? La plus récente. Pourquoi pas? Que vous pouvez réécouter le samedi et le mardi à partir de 13h. En cinquième, oh, là, ça m'intéresse et ça va t'intéresser aussi. Le nouvel album de Carquois a fait son entrée. Je suis heureuse. Oh, on aime ça. L'album s'appelle Le volume du vent. Ensuite, top 3. En troisième, c'est Jack Johnson avec Sleep Through the Static qui était numéro 1 la semaine dernière. En deuxième, nouvelle entrée pour Terry of a Dead Man. Scars and Souvenirs est le nom de l'album. Et en première place, aussi une nouvelle entrée, c'est R.E.M. avec Accelerate, un groupe que j'aimais bien il y a quelques moments. Oui, moi aussi. Mais bon. R.E.M. Rapid Eye Movement. Oui. Oui, bon. On est rendu à l'opposition numéro 7 du côté anglophone. On va entendre Plants and Animals avec Bye Bye Bye qui monte de, wow, de 6 places. Et du côté francophone, ça monte de 13, 12, 11, 10, 9, 8, c'est 7. C'est dur, hein? De 7 places en attendant le moment présent, Éléphantine. On pourrait se faire des petites cartes, tu sais, comme au primaire ou au secondaire, les mathématiques, il y avait des petites cartes. Là, on pourrait faire 8 plus, plus 5, 7 plus 4. C'est vrai. Hein, bon. On devrait. Allons donc entendre Éléphantine. Allons-y. Composons le numéro. Tic tic tac tac tic tac tac. Puis là, ben, ils vont, tu vas voir. J'écoute la pièce, tu vas savoir de quoi je parle. Ok, j'écoute. Ok, cool. Tantôt, je pense qu'on va entendre du yel, justement. Ah ouais? Je pense qu'on va écouter du yel tous ensemble. Ouais, j'ai hâte. On a le party dans vos oreilles, dans un condensé de la meilleure musique de C'est Fou. Les Palmarès. Au 89.1 FM. Ouais. Est important pour nous.

Bye bye bye, The Plants and Animals en 7e position anglophone. Ça monte de 6 places, ça vient de leur album Park Avenue. Ouh, c'était bon. Mais juste avant, on avait une remontée de 7 places que j'ai comptées tantôt. Hein. Je ne recompterai pas maintenant, mais je pense que c'était 7. C'était en attente d'un moment présent de Elephantine. Bon, voilà donc nos 7e positions. Tantôt, on va entendre nos 6e, mais avant ça, j'amène dans la discussion Mme Elisabeth Marino. Hey, salut! Salut, Elisabeth! Eh, ça faisait longtemps. En effet. T'étais assez fou à chaque semaine pendant un bout, puis ouais. T'as disparu de la carte. Je le sais, mais c'est parce que c'est fou, c'est une fête. C'est une fête pour toi à chaque fois que tu viens, hein? Oui. Bon. C'est le parti. Ben, t'as pas ton petit chapeau, par exemple? On peut faire semblant que oui, parce qu'il y a personne qui me voit ici. Prends une feuille de papier, fais un petit chapeau, mets-le tout sur la tête tout de suite. Go! Après la pause. Ah, OK, bon. tant qu'à voir Elisabeth Marino, Elisabeth, t'écris dans le journal Zone Campus, tu sais? J'écrivais parce qu'on s'entend que c'est le dernier numéro. Ben oui, ah! Ah! Ah! Gâcheuse de party, ah! Enlève ton chapeau tout de suite. Ah, ça va, elle a pas encore fait. Toi qui joue le jeu. Pince sans rire. Ben oui. T'écris le dernier éditorial du journal, mais avant de passer à l'éditorial, on va faire un petit tour complet du journal parce que vous savez, c'est important de se renseigner à l'UQTR. Et comme c'est le dernier numéro, ben faut fêter le fait que c'était très bon, c'était ce qu'on s'est acheté. Je pense que bonne oui. Session. Oh, oui, oui. Donc, le numéro du Zone Campus qui est en kiosque du 14 au 27 avril 2008, c'est le volume 3 numéro 16 pour ceux qui suivent le petit compte à la maison. Hein? C'est important de le dire. Il y a quand même des gens qui sont obsédés par ça. Il y a des gens qui aiment les chiffres. Ouais. Ils sont en maths info. La gang. Ouais. Donc, sur la couverture, on retrouve évidemment le grand sujet du moment. C'est le conflit qui est enfin résolu. On dit la session sauvée in extremis. Le journal est tellement fort qu'il parle latin par moment. Oui, puis on aurait pu rajouter, je pense, avec brio, puis avec, ça s'imposait, on aurait pu rajouter Youhou aussi sur Youhou. La page. Ben, je pense que le gars en photo... il exprime ça aussi. En capsule? Oui. Mais ça en capsule? C'est ça, on y va. Oui. En capsule? En capsule, il fait une capsule avec ça. Il dit Yahoo avec ses mains et son corps en train de sauter sur la couverture. Ah, on appelle ça le langage du corps. On croirait du Photoshop, mais non, c'est juste une photo faite par un très, très bon photographe qui s'appelle Félix Amiot. Oui, il est extraordinaire. On le remercie pour son très, très bon travail. Merci, au cours de la Félix. Session. Ouais. Ce n'est pas du Photoshop. Donc, ouvrons le journal. Photoshop. Ça tranche. Ça tranche. Ouais. Ouais. On met un citron, puis ça... Ouais. Et voilà. Ça fait du jus. OK. Mesure de récupération, on dit les cotes S vont pleuvoir. Et là, la preuve que ça va pleuvoir, c'est que la photo montre une classe complètement vide. Et ça a été pris live dans une vraie classe de l'université. Mm-hmm. En temps réel, un après-midi de temps, le mercredi. Photo réaliste à l'appui. Là, j'ai eu QTR qui est un troisième joueur déterminant. Il y a aussi l'entente entre l'administration et le SPP QTR qui est le syndicat des profs. Ça dit que le conflit se règle après 6 mois de négociations. Il y a aussi un article sur les élections à la GEQTR. Certains candidats critiquent le processus électoral qui a eu lieu. Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes. Beaucoup plus sur les années passées. Une 20aine de %. C'est louche un peu. Mm-hmm. Odeur de déjà vu comme scandale. Scandale! Scandale! Un article sur le Happening Marketing. La délégation du QTR s'est illustrée brillamment, qu'on nous dit. Ça avait lieu les 28, 29 et 30 mars dernier. La demande de Marc Benoît a été rejetée par la Cour supérieure. Il y avait une grosse controverse par rapport à Marc Benoît ou, comme je l'appelle, Marc Benoît. Oui. Oui. Quiproquo. Un article sur le comité de l'environnement. Hélène Martin et Céline Nommé qui présentent le certificat mise en œuvre du programme de Recycle Québec. Mm-hmm. Gigantesque photo. D'ailleurs. Oui. Page 7, on parle du pacte des générations. La ministre Beauchamp s'est engagée auprès des étudiants et l'UQTR a signé ce beau pacte des générations. Leur logo est vraiment beau. Page 8, l'éditorial s'appelle une dernière fois, si vous le permettez, et c'est Madame Elisabeth Marino qui le signe. Oui. Le madame est peut-être de trop ici, là, mais... Non, mademoiselle. J'aime bien madame. Madame, ça donne pas un petit peu un ton autoritaire? J'ai pas l'air de tout ça. En tout cas... Moi, je dirais plus mademoiselle. Mademoiselle, bon. C'est plus cute. Miss Marino. Miss Marino. Mais c'est un petit peu anglicisé, puis on aime pas ça, on est dans une contrée francophone, donc assumons-nous. Oui! Ouf, on se fait parler, hein? Hey, je te dis que les féministes engagées... Ça n'a aucun rapport avec la féministe ici. Vraiment pas. J'aime juste. J'aime plugger le fait que t'es un petit peu féministe des fois. Ah oui, on va voir ça tantôt. C'est juste droit. Le temps avance, là, on a vraiment beaucoup parlé jusqu'à maintenant. On va faire juste la fin de la section actualité. Opinion, l'article, un texte d'opinion de M. Lionel Berthoud, qui est en fait professeur au département de chimie-biologie, chaire de recherche du Canada en rétrovirologie. Le gars sait écrire et il a écrit un très bon article sur le conflit des profs / direction 2 points des leçons à en tirer pour les étudiants. Point d'interrogation. Hein? Quand même. Section vie étudiante, plein de choses qui s'en viennent, entre autres à la Luitre, à l'ensemble vocal de l'UQTR, au GRIAPS, qui est le groupe de recherche et d'intervention sur l'adaptation psychosociale et scolaire. Une chance qu'ils ont une belle abréviation, eux autres. Chouette. Le GRIAPS. Et la question Vox Pop, les filles, c'est que comptez-vous faire pendant votre congé d'été? Et toi, Mathieu? Non, c'est bon. Animé assez fou 42 heures par semaine et être diffusé pendant 136 heures par jour. Est-ce que je sens de l'ironie? Aucune ironie là-dessus. Et puis finalement, le Je vous aime moi non plus, la chronique de Guillaume Salade Janson parle. En fait, il fait juste un genre de petit. Un petit au revoir. Premièrement, ça s'appelle Last Call. Hein? Et après ça, parle du film Le peuple invisible de Richard Desjardins. Donc voilà pour la section actualité. On fera l'art et spectacle et le sport tantôt parce que le temps file. On s'en va entendre nos positions numéro 6, n'est-ce pas, Virginie? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Côté anglophone, on a Emergency Street de Illotrons. Moi, je passe 6 minutes à parler tout seul, j'y laisse le temps de se préparer, et puis là, elle arrive, puis elle se plante complètement. On aime ça. Je t'appuie. Merci, Elisabeth. Et du côté francophone, pour me reprendre, hein, on a L'Épave d'Antoine Corriveau. C'est ce qu'on écoute à l'instant dans Les Palmes. Les Palmes, c'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. Déjà à la fin des palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 avril 2008. Avant de dire ce qui vient tout juste de jouer, voici un petit résumé de ce qui a joué dans la deuxième heure, c'est-à-dire les positions 10 à 6. Du côté anglophone, en 10e, ça descend de 3 places, c'est Goldfrapp avec Caravan Girl. En 9e, ça descend de 6, Barcelona et The Blue Seeds. En 8e, ça monte de la 14e. Hein, j'ai même pas osé compter là-dessus. Stormy Eye de Black Mountain. En 7e, ça monte de la 13e, Bye Bye Bye de Plants and Animals. Et on vient d'entendre la 6e, ça monte de la 11e, Emergency Street de Hello Trunks. Puis je veux juste te rectifier que c'est pas la fin des palmarès. C'est fou, t'as dit que c'était la fin des palmarès. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, c'est juste la fin de la deuxième heure. On est encore là pour une heure. Phew! Panier, ne quittez pas maintenant, s'il vous plaît. Une chance que c'est pas la fin, moi, je me tuerais. Ben là. Ah, ok, non, c'est pas vrai. Donc, du côté francophone, en 10e position. Boirais beaucoup. Je deviendrai un collègue. Ok. Ouais. En 10e position, on avait Mon prénom c'est Gérald de Pas Gérard de Gérald Gentil. En 9e, Aidé Morcelé de Pas Chic Chic. En 8e, Slush de Danny Placard. En 7e, En attente d'un moment présent de Éléphantine. Et on vient d'entendre l'épave de Antoine Corriveau. Dans la 3e heure des palmarès, c'est fou. On va révéler nos grands numéro 1. La semaine dernière, c'était Louis 14 et les Gigolos. Est-ce que ça tient au culiné? Mais je sais qu'il y a des artistes qui s'en viennent là. Dont Gatineau, dont Chocolat, dont Madcaps, dont Creature. Je te laisse figurer lesquels j'ai dit, lesquels j'ai pas dit. Oh, Louis 14, hein? Madcaps. Creature. Je pense que t'as répété mal le casque, mais je suis pas sûr, par exemple. Les gigolos, le roi poisson. Ok, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. Et, hein? Et oui, et ce qui s'en vient plus tard aussi, c'est quoi, Elisabeth Marino? Hein? C'est Yel qui s'en vient? Oh oui, Yel! Crie un peu comme dans Yel. Yel! Yel! Yel! Dans la troisième heure des Palmas, yeah, c'est fou! Yeah! 89.1 FM. Bonsoir! Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 avril 2008. Elle s'appelle Virginie Cossette. Elle s'appelle Elisabeth Marino. Il s'appelle Mathieu Plante. Ah! Bravo, Elisabeth. Triangle. Bon. Hein? Ouais, triangle. Triangle. Ah, triangle de personnes à la table. C'est pas facile. Vendredi soir. Et mon Dieu, non, pas du tout. Hein? Triangle isocèle. Hein? Puis ils angle pas exactement. Ben, c'est peut-être un scalène à ce moment-là. Un scalène. Parce que les trois sont différents, scalène, c'est ça? Je vais aller chercher une règle, puis rapporteur d'angle. OK, on va parler de d'autres formes plus tard. Ouais. Ouais. C'est bon, parfait. On commence cette troisième heure avec un petit peu de Yel, Elisabeth. Ah oui. Écoutez, bon. C'est super, c'est spécial. Si vous aimez genre Omicron, numéro, TTC, TTC aussi, mais des trucs un petit peu machistes, ben dites-vous que c'est un petit peu comme l'opposé. C'est une pop féministe revendicatrice, je vous dirais. Puis c'est très drôle. Il y a des clips sur YouTube, ça me tente d'aller voir ça. Elle a sorti son premier CD à l'automne dernier. Puis c'est juste comme, c'est très drôle. Puis je me demande pourquoi on n'a pas encore beaucoup ça dans les boîtes par-ci. Mais non, c'est rythmé, c'est... La pièce qu'on va entendre a déjà été dans les palmarès, c'est fou. Il y a un petit moment de ça, ça a pogné quand même pas mal. Ça a fait son temps, ça a comme descendu en popularité, c'est fou. Mais on l'apprécie quand même, ça joue une fois de temps en temps, c'est fou. Et bien là, une de ces fois, c'est maintenant. On s'en va entendre quelle pièce? Je veux te voir. Ouh, tu veux me voir comment, bébé? Dans un film pornographique. Oui. Oh là là! Tout En passant, là, la toune était dédiée à ma cousine et à mon amie Sécu. Donc, c'était ça. Solidarité féminine, power. Yel, et je veux te voir. Yeah, et j'ai adoré. Numéro 5. C'était ça raté. Un peu. À peine. J'étais proche, par exemple. Voici le roi poisson et premier rang. Dans les palmarès, c'est fou. Retourne au premier rang. Position numéro 5, Isle of Thieves avec Hollywood. Et puis, avant ça, c'était le Roi Poisson avec Premier Rang. Sans perdre plus de temps, voici ce qui s'en vient cette semaine. Vitons la drôle de question. Quasiment dire qu'ils passent l'hiver sa corde à linge. Faites un petit geste pour les aider. Je pense à mon ours. fois, là, c'est rendu là, que je laisse mon char dans le garage puis que je prends mon bec à la place depuis que j'ai appris que les ours de Sibérie passaient l'hiver sur la corde à linge. Moi, je rince toujours mes cartons de lait puis à chaque fois, j'ai une petite pensée pour l'ours de Sibérie que je vais pas réveiller pendant son hibernation. J'ai changé mes thermostats, j'ai acheté une éolienne, je fais du compost, je pense à mon ours. Rebienvenue, mesdames et messieurs, toujours avec Lise Laprise en direct des changements climatiques. La situation ne s'améliore toujours pas, l'état d'alerte est maintenu sur toute la planète. Mais on vient tout juste d'apprendre que plusieurs grandes multinationales ont investi dans une campagne de reforestation massive pour tenter de régler le problème. Selon le porte-parole de la pétrolière ExxonMobil, on doit absolument créer des puits de carbone en plantant des arbres, même si certaines communautés doivent en payer le prix. Yeah. Juste l'eau ici, là, à la place de ce rang d'épinette-là, là, c'est à la maison de ma grand-mère. Mais imagine-toi donc qu'ils sont arrivés puis ils l'ont sacré à terre, ils ont dit « Oh, hey, là, là, ça va mal, faut faire un puits de carbone, t'sais. » C'est pas rien que ça, là, garde, là. Ils ont planté des arbres en plein milieu de la trail de skidoo. Check en bas, on va essayer de passer, tu vas voir. OK, là, j'essaye de passer, là. Tu le vois bien que ça passe pas. Gouvernement qui nous a dit « Oh, on va vous planter des arbres, vous allez voir, vous allez être contents. » Voyons donc, s'imagines-tu que nous autres, les Autochtones, on court des arbres avec des loups à pleine lune? Vous, là, la réalité, là, la vraie vie, là, dans la réserve, c'est pas comme les dessins sur les cotons ouatés de BS, oh, lit! Gallo, là, tu vois, là, ça, c'est chez nous, là. Là, ils ont planté des arbres, là, partout à travers la maison. Oui, quand? Même plus moyen de rentrer chez nous. Bloqué dur, là! T'sais, t'es obligé de casser une fenêtre à rentrer, pis là, encore là, pas plus avancé, là, gars. Encore des maudits arbres qui me bloquent le chemin. En tout cas, cette année à Noël, on avait pas mal plus de sapins que de cadeaux en dessous. On en voulait des arbres, oh oui, on en voulait, mais pas autant. Regarde ça, le gouvernement nous avait fait construire un bel aréna pour les jeunes. Mais là, avec toutes ces arbres-là plantées au travers de la glace, tu sais, qui c'est qui va jouer sur ce patinoire-là? Les loups? Les lions de mer? Les cochons d'Inde? Et voici vos cochons d'Inde de Montréal! C'est ce qui s'en vient dans la prochaine édition de Vidons la dans la question, l'émission d'humour extrême diffusée à C'est fou les mercredis à midi. On rappelle les vendredis à 9h et les samedis à midi. Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Ça fait peur. Ça fait peur? Moi, j'aime ça. Moi j'aime aussi. Ça fait peur. Hey, ils sont en nomination aux Oliviers. Absolument. Ah, c'est bon de le rappeler, oui. Ils sont en nomination au gala des Oliviers à côté de François Pérusse, de Dominique et Martin, de François Morancy. Donc, on les encourage très fort pour le gala des Oliviers à Radio-Canada. Donc, on va vous tenir au courant de ce qui se passe avec ça. Vidons la loi la question. L'émission d'humour de Montréal importée ici, en Mauricie. Et diffusé à C'est fou 89.1. Et on est heureux d'importer ça. On est très très fiers de les diffuser. Ils sont très reconnaissants eux-mêmes d'être diffusés à C'est fou. Donc voilà, on est rendu à nos quatrième position du côté anglophone. C'est Creature avec Bridget Bardot. Et du côté francophone, on a Chocolat avec Piano Élégant. Tout de suite dans les palmes au 89.1. On vous arrête. Bardot. I know her better. Make an escape like Bridget Bardot. Get me out of here. Take it to the place. It's a party, yo. I know, I know. Inside, outside, everywhere I go. Things are getting heavy and it's keeping me low. I've got to get away from the world I know. Break free, let it be out of control. Flip side, bright side, all around. Time to listen to my rhythm and leave this town. Cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. Position anglophone, ça monte de la 9e et les filles, vous aimez ça? On adore ça. Pour ma part, j'adore. J'aime vraiment aussi. Bonne première impression, c'est groovy. C'est comme vraiment joyeux. Et que diriez-vous si je vous disais que c'est un band de Montréal? On dit wow! Hein? Ouais. Et qu'est-ce que vous dites si moi je vous dis qu'ils sont à l'embuscade samedi prochain, le 19 avril, pour le simple coût de 5$? Bien 5$! À 21h30. Sans voix. C'est un outrage! 5$! C'est à 21h30 en embuscade le samedi 19 avril. Soyez-y. Hein? Oui. Bon. Bonne affaire de fête. Oui. Juste avant, du côté francophone, c'était la formation Chocolat avec Piano Élégant qui monte de 2 places. Oui, je regardais pas sur ma feuille. C'est pour ça que je l'ai dit à ta place. Merci. On est rendu au 3e position. Je vais te laisser faire les 2, t'inquiète. Ah, oh, merci. Du côté anglophone, on s'en va entendre Hear My Prayer de Madcap, mais juste avant 1981 de Zrune. Oh, pas mal, c'est fou, 89.1. Eh, restez avec nous. On revient avec la musique de Madcap sur retour. Yeah. Et ma prayer de Madcap, sans position numéro 3, ça monte d'une place 5e semaine de présence. Ça fait 3, 4, 5, si je regarde. 3, 4, 5. Ouais, puis on aime ça hein, quand on est rendu à ces positions-là parce que c'est toujours excellent. Eh hey, oui, ben, wow, c'est méchant pour les autres positions. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est de meilleur en meilleur. Oui, c'est oui, comme oui, le concept des palmarès. Puis là, on est heureux parce que c'est vraiment. C'est bon. Actuel. Oui. C'est original comme concept, un palmarès, un décompte. Quand même. C'est beau, il y a une part mais, ailleurs. La semaine passée, on n'a pas vraiment fait un décompte, hein? Non, c'est vrai, la semaine passée, c'était spécial à l'envers, dans le désordre. Les pannes dans le lèse. Ouais. Dommage qu'on l'ait pas dit plus souvent la semaine passée. En effet, hein, c'est le fun à dire. On est rendu au numéro 2, on se dépêche parce que sérieusement, on avance vite dans le temps aujourd'hui. On avance vite dans le temps. On va essayer d'avoir un petit peu de temps pour se gâter plus tard. Oh. On s'entend au numéro 2 du côté anglophone, c'est Louis XIV avec Guilt by Association, l'ancien numéro 1. Donc il est nouveau le numéro 1 cette semaine. Oui, du côté francophone, on s'en va entendre Gatineau avec Rap Maudit. Gatineau! Gatineau! Pas le reste! C'est fou! Sortir mes maudites images, mais quand je me penche sur elle, la feuille reste blanche. Votre étrange vie à mon pouvoir étage pour que le public, mais que je m'en saigne pour le poème. Oh, it's a lane cinéma. Vite autant le fond que la forme comme il faut. Ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement, faut que je l'embrasse. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour poser aussi brutal, je laisse ça sortir. Je retiens-tu le flow? Ou je prends la balle? Ben joue sérieux? Ou carnaval? Je laisse du libre cours au mot qui est dans mon âme des balles! Qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites. C'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des va-violents d'envergure. Au fur et à mesure, j'essuie la suite sur ma figure. Enfin, l'ampe de jus qui s'agite. Que par ma flamme, l'endemnée que le flamme, elle ressuscite. Me voir dans le miroir, dans le creux noir, dans le blanc des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, amène mon écritoire avec mon répertoire et la balade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ça soit c'est beau, MC Berruté, oh. J'attends le poème signifiant. Certifié mon talent tout en me sanctifiant. J'aimerais mon nom à mes fils tout en défiant. Dans ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne un peu moins de source d'angoisse. Qui t'en dit des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardon pour fixer le forêt pour mon déboise. Je l'excite, moi d'assister, mes vastes. Mes textes excités, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je les chante avec tant d'intensité. Yeah. to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. By Association de la formation Louis XIV. C'est l'ancien numéro 1, c'est maintenant le numéro 2 anglophone. On est un peu déçus, c'est tellement bon. Mais, juste avant, il y avait Gatineau qui remonte d'une place. Ah! Est-ce que ça sera notre nouveau numéro 1 la semaine prochaine? Sûrement. Hein, c'était rap maudit. Ben, on souhaite bonne chance aux gigolos parce qu'ils sont en tout cas. C'est pour dire que maintenant, voici la chronique Le Plancher. On brûle les suspens si on fait au palmarès. Voici le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. Hein, pourquoi pas, les filles, pourquoi pas? On aime pourquoi ça, par les gens stupides. On commence avec deux sœurs qui ont vendu pour 1350$ un flocon de maïs de la forme de l'État américain de l'Illinois. Oui! Lors d'une vente aux enchères sur Internet, celui qui a remporté la vente, qui a duré plus d'une semaine, possède un site de jeu et compte intégrer son acquisition à son musée du voyage. Nous commençons une collection d'objets de la culture pop américaine, a expliqué le gars de Austin, Texas. Nous pensons que c'était une occasion fantastique. Monty Carr va envoyer une personne pour récupérer le précieux flocon pour qu'il ne soit pas abîmé. Il parle d'expérience, il avait acheté le plus grand cornflake du monde qui est arrivé brisé en 3 morceaux. C'est triste ça. Ont déjà été vendus un cornflake de la forme d'Hawaï et un autre de Virginie. La quête continue. Incroyable. Un Canadien qui venait de mourir a raté ses propres obsèques parce que la compagnie Air Canada, chargée de ramener sa dépouille parmi les siens, l'a retiré de la soute avant l'arrivée à la destination pour faire place à plus de bagages. Le deuil a fait place à l'indignation dans la famille de Dennis Hamilton, un travailleur de l'industrie du pétrole décédé la semaine dernière dans la province de l'Alberta. Sa belle-sœur a déclaré à la CBC qu'elle est devenue rouge de colère quand elle a appris que le cercueil n'arriverait pas à temps pour les obsèques dans la province de Terre-Neuve. Vous ne pouvez laisser un être cher à Montréal et l'abandonner là toute une nuit en vous disant ils peuvent attendre, a-t-elle dit à la CBC. Et pour faire place à des bagages, c'est inacceptable. Il n'avait pas été immédiatement possible d'obtenir un commentaire de la compagnie Air Canada. Et finalement, c'était pour anesthésier la douleur d'une rage de dents. Un chauffeur routier slovaque surpris avec une alcoolémie de 2 pour 1000 près de Bâle a invoqué cette excuse pour expliquer son ébriété. L'argument a laissé insensible la police allemande qui a confisqué le permis du chauffeur. C'est à pied qu'il a dû se rendre chez le dentiste, ont annoncé mardi les autorités douanières du canton suisse. Le routier slovaque voulait entrer en Suisse lundi à la frontière germano-suisse de Bâle-Weil avec un camion remorque chargé. Lorsque les douaniers lui ont demandé ses papiers, il a mis les gaz en direction de l'autoroute. Il a cependant pu être stoppé encore dans la zone des douanes. Voilà donc, on parle d'alcool contre la rage dedans, d'un cercueil retiré de l'avion et le gars qui rate ses obsèques, et la géographie américaine qui passe par les cornflakes. C'est le tour du monde des gens stupides qui font des choses stupides. Wow. On est rendu au numéro 1 du côté anglophone. Oui. Est-ce que je peux m'essayer avec les jeux de mots? Jeux de mots, oui, voici Virginie. Ben, on n'aura pas à se battre trop longtemps pour savoir mon numéro 1. Donc, il n'y aura pas de guerre entre deux personnes ou du monde. Non, c'est ça. Comme on dit. Et puis, ça prendra pas... J'aime ça! Ah, c'était bon, hein? J'aime ça. C'est quoi déjà les céréales, les... Cornflakes? All bread? Non! C'est avec Muslix? Les abeilles, là. Cheerios? Non, attends, abeilles, avec des abeilles. Non, je mange pas de céréales en abeilles. Alvéoles, les... tu sais, les... Honeycombs! Hives, ça veut dire les... Ruche! Ruche! On n'aura pas à rusher pour les 10 prochaines minutes. Hein? Et my... Ah? Non? C'est une bête. Une bête. A beast. Au palme, dans votre... radio! Ah, radio. Wow. C'est tellement beau mot. Et trois mains que pourrais-je won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. Numéro 1 des palmarès de C'est fou, mais avant de les nommer, voici le top 3. Du côté anglophone, la troisième position est occupée par Madcaps avec Hear My Prayer qui monte d'une place. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Louis XIV avec Guilt by Association. Et le numéro 1, on vient d'entendre, il monte de 9 places, c'est The Hives avec Won't Be Long. C'était facile, hein, de 10 à 1. Oui, c'était facile, mais j'ai dû quand même y penser un peu. Quand même. Du côté francophone, on avait 1981 avec Zurung en troisième position. En deuxième, Rap Maudit de Gatineau. Et en premier, c'est stable et gigolo avec La Guerre des Mondes. Ah, ça, c'était des beaux palmarès. C'est fou pour la semaine du 11 au 17 avril 2008. Énormément. Merci, Virginie Cossette. Merci, Mathieu Plante. Merci, Elisabeth Marino. Merci, Mathieu Plante et Virginie Cossette. Merci aux palmiers qu'on salue grandement. Mmh. On salue aussi Kiwan qui anime la dernière porte à gauche les vendredis soirs. C'est juste après nous à partir de 20h. Les gens qui écoutent la rediffusion du mercredi de 15h à 18h. Eh bien, c'est l'assaut qui s'en vient avec Frédéric Lévesque-Saint-Don. Une émission de faits insolites et de musique variée. Moi, je vous retrouve à l'émission d'informatique et de jeux vidéo La Collection, les jeudis à 11h et les mardis à 9h. Ça, c'est toujours rempli d'informations à craquer. Et dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales, ça, c'est le vendredi à 10h et samedi et mardi à 13h. On vous retrouve la semaine prochaine au Palmarès C'est fou pour une toute nouvelle édition. Et Virginie va être là? Je sais pas. Je pense qu'elle sera peut-être pas là cette semaine. Je sais pas. On va peut-être être seul, vous et moi, tête à tête. Au palais, Mathieu va prendre ça sur la couche. Coupe de vin, là. Oh, miam. Bien. On se quitte sur une pièce de Yale qu'on dédie à tous les ados wannabes hyper sexualisés et leurs acolytes aux culottes trop grandes. À ce prochain, faites attention à vos joues et vos fesses et vos cracks et tous les orifices de votre corps. Et bonne chance. Bye bye. On n'est pas des putains franges. C'est clair. Et on va leur dire. Ok. Parle à maman. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Avec mes billages, je me déhanche dans la rue. C'est Pierre. Derrière nous, un gars, il me mate le cul. Il est relou, hein. Ouais, c'est normal. Grâce à mon soutif état que j'ai trop bien rembourré. Bref, le mec m'a cosse dans son pop survêt Lacoste. Oh mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Pays pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y, parle à maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Ah ouais? Les